Le 28 novembre de Bucaramanga, je suis parti, car sans soleil au revêté, ces atours est vert pour toi. Le 28 novembre de Bucaramanga, j'ai parti, car sans soleil au revêté, ces atours est vert pour toi. Pour dire adieu à leurs poètes, voisins et frères, étaient là, ces pages des petits neveux, des grands-parents de Toulouse sont venus. Payo soit là et aussi Edith paraît pour la fête resplendissait. Et Mami Lou l'a organisé tes vœux avec Diego et Zamira. Payo soit là et aussi Edith paraît pour la fête resplendissait. Et Mami Lou l'a organisé tes vœux avec Diego et Zamira. Ton frère Juan t'a conduite dans une calèche d'acajou vers l'église de ton enfance, princesse turque et des Caraïbes. Ton frère Juan t'a conduite dans une calèche à cailloux vers l'église de ton enfance, princesse turque des Caraïbes. Ah, mes parents Flavio et Zori ont partagé le dîner avec Loli, avec tes tantes et tes sons, louant notre engagement. Veillons soit là et aussi Edith paraît pour la fête resplendissée. Et Mami Loli a organisé Thèves avec Diego et Zamira. Veillons soit là et aussi Edith paraît pour la fête resplendissée. Et Mami Loli a organisé Thèves avec Diego et Zamira. À la Vierge tu as offert tes roses et devant toute la savane je t'ai chanté que notre union est bien plus qu'un pas. À la Vierge tu as offert tes roses et devant toute la savane je t'ai chanté que notre union est bien plus qu'un pas. Au Malibu nous avons dormi, héros du novella, toi ma fiancée promise et moi ton chevalier attendu. Au Malibu nous avons dormi, héros du novella, toi ma fiancée promise et moi ton chevalier attendu. Et yo soleil aussi et dit paraît pour la fête resplendissait. Et Mami Lou l'a organisé tes vœux avec Diego et Zamira. Et yo soleil aussi et dit paraît pour la fête resplendissait. Et Mami Lou l'a organisé tes vœux avec Diego et Zamira.